Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous parle du bestiaire des sorcières, crapauds, corbeaux, blaireaux, chouettes, hiboux et autres chauves-souris, des animaux bien malmenés et à la sinistre réputation totalement infondée. J'aurai ensuite la chance de recevoir Thomas Buzzi, naturaliste bénévole auprès de l'association Nature en Occitanie et de la LPO, qui vient aujourd'hui nous parler d'un oiseau dont il a fait sa spécialité. Il s'agit du plus grand rapace nocturne au monde, le majestueux et mystérieux hibou grand-duc. Bonjour Thomas et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Magicienne, empoisonneuse, amante du diable, insaisissable et dangereuse, les sorcières nourrissent l'imaginaire collectif depuis de nombreuses années et continuent à être au centre d'histoires sordides et inquiétantes. Croyances archaïques, peurs envenimées et racontars colportés ont tout de même engendré ce qui restera un génocide de taille bien souvent mésestimé et qui entraînera la mort de dizaines de milliers de femmes. Les chasses aux sorcières. On les considère comme contemporaines du Moyen-Âge, mais ces répressions ont en réalité eu lieu à la Renaissance, au début du XVe siècle, autour de 1430, et ce, jusqu'à 200 ans plus tard. On estime que sur cette période, 110 000 procès ont eu lieu et que près de la moitié ont abouti à la condamnation à mort de l'accusé. Et le plus souvent, ces femmes étaient savantes, herboristes, sages-femmes, bien souvent indépendantes et libérées de tout joug masculin. Elles gênaient les autorités en place et méritaient manifestement d'être éliminées. Mais les animaux dans tout ça, dites-moi ? Eh bien, ils n'étaient pas franchement à la noce non plus. En ces temps troublés où les gens craignaient pour leur vie et le salut de leurs âmes, ils voyaient en certains animaux des menaces à éradiquer. Ainsi, de nombreux animaux domestiques et sauvages étaient considérés comme les familiers des sorcières et associés aux malins. Ils étaient transformés en talismans, cloués aux portes pour repousser le mauvais sort ou accommodés dans diverses tambouilles censées guérir les maux les plus surprenants. Et la liste de ces animaux prétendus maléfiques est bien longue. On retrouve les classiques animaux nocturnes un peu effrayants, chauves-souris, chouettes, hiboux et autres rats, mais aussi d'autres à l'allure inquiétante, comme l'araignée, le crapaud, le serpent, le loup. Des classiques. Il y a aussi ceux dont le seul tort est d'être coloré en noir, comme le merle, le chat ou le chien, ou encore ceux aux mœurs souterraines qui vivent sous terre, comme la taupe ou le blaireau. Plus surprenant mais pourtant véridique, la classification diabolique du cerf, du hérisson, de la huppe faciée, du lièvre, du bouc ou encore de la poule et du pigeon. Ce qui est bien, c'est que tout le monde y passe. Vous vous en doutez, ces sombres réputations émanent surtout des projections que les humains font sur ces animaux dont ils ne connaissent bien souvent pas grand-chose. Ceux aux cris rauques et effrayants qui vivent dans l'obscurité ou qui avaient une sexualité visible, jugée donc immédiatement répréhensible, étaient aussitôt mis dans les rangs de Satan. Je me suis dit qu'il était de mon devoir, aujourd'hui, d'en réhabiliter quelques-uns. J'en ai choisi deux, la chauve-souris et le rat. Et si ces animaux mal aimés avaient finalement des qualités qui nous ont longtemps échappé ? C'est ce que nous allons voir. Commençons par la chauve-souris. On les accuse souvent de se prendre dans les cheveux, à tort bien entendu, et de se nourrir de sang, tel le comte Dracula du roman de Bram Stoker. Or, sur les 1200 espèces actuellement connues de chiroptères dans le monde, seules 3 d'entre elles se nourrissent de sang. Prenons la plus connue d'entre elles, la chauve-souris vampire Desmodus rotundus, originaire d'Amérique du Sud. Ces petites chauves-souris d'environ 9 cm de long et qui pèsent 40 grammes pratiquent de petites incisions grâce à leur canine tranchante et lapent la quantité de sang dont elles ont besoin, puis laissent leur proie, cheval, cochon, poulet, reprendre le fil de leur nuit. Mais n'imaginez pas que c'est une tâche facile. Les chauves-souris vampires meurent de faim si elles n'arrivent pas à trouver de nourriture 2 nuits de suite. 72 heures d'autonomie et quick. Pas simple la vie des macrophages. Mais c'est là que leur super pouvoir s'active. Si un animal affaibli rentre bredouille sans sa ration de sang, un congénère du groupe va régurgiter le sang qu'il est allé collecter et va le lui donner. C'est un exemple hors du commun d'altruisme. Un individu donne de la nourriture à un autre alors que ce don représente un coût énorme pour le donneur qui se prive ainsi d'une ration de sang rare et vitale. Après des années d'études sur le terrain entre 1978 et 1983, Gerald Wilkinson publie un article au succès retentissant en 1984 dans le journal Nature. Car non seulement les chauves-souris vampires partagent le sang au prix d'un altruisme insensé, mais en plus elles font un échange réciproque. Celle qui donne une première fois recevra du sang en retour de celle qu'elle a aidée. Cela peut s'expliquer par la sélection de parentèle, une hypothèse entre autres développée par William Hamilton et publiée en 1964 dans le Journal of Theoretical Biology. qui explique qu'un animal peut faire un don très coûteux envers l'individu de sa famille pour sauvegarder ses gènes de manière indirecte. Si votre frère ou votre cousine survit et se reproduit, une partie de vos gènes à vous survit avec eux. Les aider à transmettre leurs gènes, et donc les vôtres, a du sens d'un point de vue évolutif. Mais en réalité, les chauves-souris vampires ne partagent pas qu'avec des apparentés, bien au contraire. En fait, ce n'est pas la proximité génétique entre deux individus qui va influencer ce transfert de nourriture, mais bien le fait d'être fiable et d'échanger régulièrement et de manière réciproque, comme l'ont observé Gerald Carter et Gerald Wilkinson en 2013 dans un article publié dans le journal Proceedings of the Royal Society B. Comme quoi, on peut se nourrir de sang et avoir le cœur sur la main, ou sur l'aile, si je puis dire. Le rat a lui aussi une mauvaise réputation. Il est associé aux calamités, aux maladies et plus particulièrement à la peste noire. Il faut dire qu'en matière de pandémie, on a rarement fait mieux. On estime que l'épidémie la plus meurtrière qui s'est déroulée sur 5 ans, entre 1347 et 1352, aurait éliminé 30 à 50% de la population européenne de l'époque, ce qui nous fait la modique somme de 25 millions de victimes. Bon, ok, mais c'est bien mal le juger que de l'accuser de saleté quand on voit le temps qu'un rat passe à se laver. Et puis, ce n'est pas de sa faute à lui s'il se retrouve à héberger contre son gré des puces porteuses de la maladie. On sait aujourd'hui que les rats sont des animaux sociaux extrêmement intelligents, qui sont de plus en plus prisés comme animaux de compagnie. Et si je vous disais que les rats étaient capables d'aider les autres, voire même de comprendre leurs états émotionnels? Une expérience publiée par Inbal Benami Bartal et ses collaborateurs en 2011 dans le journal Science a testé la réaction d'un rat face à un de ses congénères retenus prisonniers dans une boîte de plexiglas, clairement inconfortable. Les rats sont entraînés à ouvrir la porte de la boîte. Quand ils ont compris comment faire, ils libèrent spontanément leur partenaire, mais n'ouvrent pas les boîtes vides et celles qui contiennent des objets. Ce qui semble démontrer que c'est bien la présence d'un rat enfermé qui les pousse à ouvrir la porte du dispositif. Comme les scientifiques sont fourbes, ils mettent les libérateurs au défi. Ils leur laissent le choix entre libérer un partenaire et ouvrir une boîte similaire, remplie d'excellentes chips en chocolat. Eh bien, les rats libérateurs ouvrent les deux boîtes et partagent la récompense avec leur partenaire dans la moitié des cas. En 2013, la même équipe creuse le sujet et publie un nouvel article dans le journal eLife. Le dispositif est le même, avec un rat entraîné à ouvrir la porte d'une boîte qui retient un autre rat prisonnier. Mais dans cette expérience, les auteurs font varier les liens de relation entre le rat emprisonné et celui qui le libère. Première phase de test, tous les animaux sont des rats albinos de la même souche. Que les deux animaux se connaissent ou non, le libérateur aide son partenaire et ouvre la porte. Deuxième phase de test, les chercheurs testent des souches de rats différentes, des rats albinos d'un côté et des rats noirs et blancs, pour voir si le libérateur continue à aider un rat différent de lui. Dans ce cas de figure, le rat libérateur albinos aide le rat emprisonné noir et blanc uniquement s'il le connaît personnellement, c'est-à-dire que les deux animaux ont vécu 15 jours ensemble dans la même cage, ou s'il a vécu avec un autre rat noir et blanc. En bref, s'il a déjà été familiarisé avec une autre souche que la sienne. Si le rat libérateur albinos ne côtoie que d'autres rats albinos, il ne viendra pas en aide à un rat noir et blanc puisqu'il n'en a jamais rencontré. Les rats aident donc ceux à qui ils sont habitués. Encore plus fort, les scientifiques ont testé ce qu'il se passerait si un rat albinos était élevé, tout bébé, par des rats noirs et blancs, afin de distinguer l'importance du lien social de celui de la génétique. Devenu adulte et testé dans cette expérience, il s'avère que ce rat albinos est capable de libérer un rat noir et blanc de la même couleur que ses parents adoptifs, même s'il ne connaît pas personnellement, mais n'aide pas un rat albinos comme lui parce qu'il n'en a jamais côtoyé. Ces résultats sont passionnants et démontrent à quel point le comportement prosocial, qui vise à venir en aide à un autre individu, est intimement lié aux relations que nous les individus entre eux. Bien que toujours précédé par une ténébreuse réputation, rats et chauves-souris nous démontrent que l'union fait la force et que l'entraide se noue entre individus qui apprennent à se connaître. Preuve s'il en est que les répressions comme la chasse des sorcières, qui prennent racine dans la peur de l'autre, n'est que le fruit d'un obscurantisme crasse et pourrait être évité grâce à la connaissance. Comme le disait si bien Marie Skłodowska-Curie, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Revoici avec notre invité Thomas Buzy, naturaliste, ornithologue, bénévole à l'association Nature en Occitanie et pour la Ligue de protection des oiseaux, qui vient nous parler de rapaces nocturnes et plus particulièrement du plus grand d'entre eux, le hibou grand-duc. Avant toute chose, une question simple mais cruciale que certains auditeurs et auditrices doivent se poser. C'est quoi la différence entre une chouette et un hibou ? Alors c'est une question qui revient souvent. Alors déjà, il faut savoir que le plus ancien fossile connu et trouvé sur Terre de rapaces nocturnes date de 60 millions d'années. Donc c'est quand même des animaux qui sont là depuis longtemps. Et la distinction chouette et hibou est vraiment une distinction française dans le sens où tout ce qui a quelque chose sur la tête, qui ne sont que des plumes, ce qu'on appelle les aigrettes, qui n'ont rien à voir avec des oreilles, ça s'appelle un hibou chez nous. Et quand on n'a rien sur la tête, ça s'appelle une chouette. Alors attention, il y a des petits pièges. Hein, vous avez le hibou des marais qui a de toutes petites aigrettes qu'on peut facilement prendre pour une chouette. Voilà, mais c'est une distinction vraiment française qui n'a pas lieu ailleurs. Et ça veut dire que chouette et hibou ne peuvent pas du tout se reproduire ensemble. C'est vrai qu'on entend souvent la chouette et la femelle du hibou, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il y a plusieurs espèces de chouettes, plusieurs espèces de hiboux, et les hiboux, entre eux, il y a aussi plusieurs espèces qui se reproduisent uniquement entre elles et qui se ne mélangent pas. Ils ne se mélangent pas. Chacun chez soi. Chacun chez soi. Alors, une autre grande question, c'est vrai qu'ils sont connus pour leurs mœurs nocturnes. Alors, la grande question, c'est comment ils font pour chasser de nuit ? Est-ce que c'est grâce à leur vue, parce qu'ils ont ces très gros yeux, grâce au son ? Qu'est-ce qu'ils utilisent majoritairement ? Alors, les deux sens sont utilisés. La vue est perçante et ils ont la capacité de voir beaucoup mieux que nous la nuit. Mais l'oreille est très utilisée aussi. Tout dépend des conditions météo, tout dépend des espèces, des milieux. Vous avez des chouettes qui chassent, par exemple, uniquement à l'oreille à travers une couche de 40 à 50 cm de neige poudreuse. Oui. Donc c'est uniquement à l'oreille, sans la vue. Hein. Donc elles arrivent à trouver l'animal sous la neige ? Absolument. Alors que rien n'est visible ? Absolument, sans la vue. Oui, tout à fait. Et le fait qu'elles aient ces très gros yeux, c'est vraiment pour s'adapter à la vie nocturne ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chouette ou de hibou qui chassent de jour ? Alors, il y a chez nous, en France, hein, dans les 9 espèces dont on parlera plus tard, une chouette qui s'appelle la chouette chevêchette, qui est la plus petite en Europe, et qui, elle, chasse et vit uniquement de jour. La nuit, elle est totalement incapable d'y voir, elle y voit comme nous, on va dire. Ah, d'accord, donc c'est oui, pas du tout rentable. Mais... voilà, c'est une nocturne, mais qui vit de jour, on va dire. C'est particulier. Alors, quand on parle chouette et hibou, on pense souvent à ça. On va vous faire écouter quelques extraits des plus communes. Donc la première, c'est celle-ci. Donc ça, c'est un grand classique, la chouette hulotte. Mmh. Ensuite, une des plus courantes et qui, ce cri en tout cas ne lui a pas porté chance puisque ça a contribué à sa mauvaise réputation, c'est celle-ci. Donc ça, il s'agit de la chouette effraie, donc Tito Alba, la chouette blanche. Mais celle-ci, bon, j'ai triché, elle a été enregistrée en Amérique du Sud, même si normalement, celles qu'on trouve chez nous ont un chant proche, enfin en tout cas un cri proche. Et le dernier, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le fameux hibou grand-duc. Donc... je pense que tout le monde a déjà entendu ça, rien que dans les films avec des ambiances inquiétantes, parce que c'est vrai que souvent leurs cris, leurs chants font frissonner dans les chaumières. Alors la grande question, à quoi leur servent ces cris ? Est-ce que c'est pour discuter entre eux ? Est-ce que c'est pour localiser une proie ? Ça a beaucoup d'utilité. Il y a des cris et des chants déjà. Hein. Les chants, c'est ce que vous venez plutôt d'entendre là, c'est ce qui permet... dans la majeure partie des cas, de marquer son territoire. Ce sont des animaux territoriaux, donc on doit marquer son territoire, dire à son voisin que voilà, je suis bien présent, je suis là, voilà, c'est chez moi. Des chants aussi qui permettent au couple de se souder, de se séduire, on va dire. Et ensuite, vous avez des cris d'alerte, pour indiquer qu'il y a un intrus, qu'il y a un danger quelconque. Vous avez aussi des cris des jeunes qui quémandent à manger. Enfin, il y a tout un vocabulaire chez toutes les espèces avec des cris et des chants différents. C'est assez complexe. Et qui sont propres à chaque espèce, et bien sûr. Oui, bien évidemment, propres à chaque espèce. Oui. Voire même à chaque individu. Et on arrive à quelques... oui, on arrive à certains individus à les reconnaître à l'oreille au sein de la même espèce, oui. Alors, on le disait tout à l'heure, en France, des chouettes et des hiboux, vous disiez, il y en a 9 espèces différentes. C'est ça, 9 espèces, oui. Et est-ce qu'elles sont très différentes, très proches ? On a du très gros, du très petit Alors ça va du très petit, on en a parlé tout à l'heure, qui est la chouette chevêchette, qui est une petite chouette plutôt diurne, qui fait dans les 12, 13, 14 cm de haut, jusqu'au grand-duc, lui, où les femelles font jusqu'à 70, 80 cm de haut. Oui, donc c'est quand même pas du tout la même chose. Voilà, on passe d'une envergure de 40 cm à 1,80 m. 1m80 d'envergure pour un grand-duc. Quand même. Et est-ce qu'ils sont dans des milieux très différents? Parce que c'est vrai que typiquement, on en reparlera plus tard, mais le grand-duc, on n'imagine pas trop vivre sous nos toits, alors que d'autres, est-ce qu'ils vivent près des zones humides, dans des zones urbaines? Il y a de tout. C'est ça. Alors, on a 9 espèces en France. On a 4 hiboux et 5 chouettes. Et dans tout ce panel d'espèces, vous en avez qui vivent, comme le hibou des marais, son nom l'indique, dans les zones humides, dans les marais. Le grand-duc qui va être dans des lieux de falaises tranquilles, un peu loin de l'homme, mais pas forcément, il peut être très près de l'homme aussi. Vous avez la chouette effraie qui niche la plupart du temps dans les greniers ou dans les églises, qui dans est très granges. Proche de l'homme ou dans les granges, voilà. Donc vraiment, chaque espèce a son milieu. Et ça veut dire qu'elles ne sont pas trop en compétition les unes avec les autres? Chacun a son domaine, entre guillemets, ou ça peut arriver qu'elles soient en compétition pour les mêmes ressources? Oui, alors vous prenez par exemple la chouette effraie, le hibou moyen-duc, qui vivent souvent aux mêmes endroits, avec la hulotte pas très loin. Ils sont en compétition parce qu'ils chassent à peu près les mêmes proies, mais en général, ils ont chacun leur territoire de chasse. Moi, je connais des endroits où vous avez un mélange entre chouette chevêche, chouette effraie, chouette hulotte et hibou moyen-duc. Alors, des fois, on entend un petit peu des cris pour dire « Pousse-toi, t'es un peu chez moi et c'est mon terrain de chasse ». Mais voilà, ça se passe en général bien. Il n'y a pas de prédation. Oui, c'est ça. Voilà, oui, entre oui. elles. S'il y a un petit peu quand même la hulotte sur la chevêchette, voilà. Et après, on en parlera, surtout le grand-duc qui est un petit peu au sommet de la pyramide alimentaire. Voilà, c'est ça. Il est le plus gros, il en profite. Oui. Alors, on l'évoquait un petit peu dans la chronique, les chouettes et les hiboux, malheureusement, ont été pas mal persécutés parce qu'associés aux sorcières, donc ils avaient une mauvaise réputation. On les clouait aux portes des granges pour éloigner le mauvais sort. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est quoi leur statut? Alors, jusque dans les années 1970, on va dire, avant la convention de Washington qui est arrivée en 1973, qui vise à protéger les espèces, tout ce qui était trafic, voilà, tout cela est régulé par cette convention maintenant. Ces espèces sont quand même bien mieux vues, leur réputation est meilleure, on a moins droit quand même. Enfin, moi, ça fait 30 ans que je fais du terrain, j'ai heureusement jamais vu de chouette agrafée sur une porte d'une grange. Ouf. Ouf, oui. Cela dit, il reste toujours des problèmes de trafic qu'on a sur plein d'espèces, sur le grand-duc. Hein. Moi, je l'ai vécu directement une ou deux fois. L'aigle royal, sur même des mammifères, même dernièrement, là, des chardonnerets. Hein. En ce moment, c'est un peu la mode. Donc, les trafics existent encore. Donc, c'est-à-dire que les gens les prélèvent pour les avoir comme animaux de compagnie? C'est pour ça, les oui. Mais c'est surtout des trafiquants qui les prélèvent pour les élever, puis les vendre adultes à des prix intéressant, c'est un marché. C'est assez parallèle. Fou parce que quand on va parler plus en détail de biologie de ces animaux, mais c'est clairement pas fait pour vivre dans un salon. Donc, très vite, on va arriver aux limites absolument de la cohabitation. Quoi. Oui, puis on peut dire juste deux mots sur l'effet Harry Potter qui avait eu lieu il y a quelques années avec toutes ces chouettes et hiboux montrées, les enfants en voulaient. Il y a eu à ce moment-là une recrudescence du trafic, notamment dans des pays comme les Pays-Bas, où des grands-ducs ont été achetés. Par quel moyen et venant de où, on ne sait pas, pour être comme un animal de compagnie dans une maison. Et ensuite, bien évidemment, quand on en a marre, on le relâche. Et donc, on se retrouve avec des parcs en ville, avec des grands-ducs semi-apprivoisés, qui font peur à tout le monde. Et alors là, les médias sautent sur l'occasion pour dire « Oh là là, tout le monde a peur, et on se fait attaquer par des oiseaux, quelle horreur !» En fait, c'est juste un problème de trafic et un problème humain, on va dire. C'est dû à l'homme, hein. C'est pas le problème des oiseaux, c'est le problème dû à l'homme. Hein. Ah, c'est assez fou que les gens puissent penser qu'ils pourront héberger ce genre d'animaux chez eux. Mais donc aujourd'hui, elles sont toutes protégées. Il est interdit de les chasser, de les tuer. De les déranger, de déranger la nichée, de déranger le milieu où elles vivent. Mais donc, comme je disais, on a des problèmes de trafic encore, d'empoisonnement quand même indirect, heureusement. Et on se retrouve avec des tirs au fusil et des animaux plombés, que ce soit des grands rapaces comme des vautours, comme le gypaète, comme l'aigle royal, comme le grand-duc. Chaque année, on en trouve. Pour ceux qu'on trouve, hein, on doit en trouver 1% ou 1 pour 1000. Hein. Voilà. Alors, une autre petite chose aussi, dans les idées reçues, enfin en tout cas ce qui arrive assez souvent, c'est qu'au printemps, il est courant en tout cas que l'on trouve des jeunes chouettes et hiboux au sol, et souvent les gens les amènent dans des centres de soins. Est-ce que c'est normal de trouver ces jeunes animaux au sol? Alors oui, c'est tout à fait normal. Alors ça arrive surtout pour le hibou moyen-duc, pour la chouette effraie, pour la chouette chevêche, pour la chouette hulotte, c'est assez régulier. Et les centres de soins se retrouvent submergés à ces époques-là, au mois de mai, par des gens qui amènent ces pauvres petites chouettes qu'on a trouvées au bord de la route. Voilà. Alors, Il faut savoir que ces espèces sont nidifuges, c'est-à-dire que les jeunes, avant de savoir voler, vont quitter le nid et vont aller se balader de branche en branche sur un tronc, puis vont tomber au sol et puis vont grimper sur l'arbuste d'à côté. C'est comme ça depuis toujours. Ils sont toujours là depuis 60 millions d'années, ça veut dire que ça fonctionne. Donc surtout ne pas ramasser ces petits oiseaux et les amener dans le centre de soins. Alors bien évidemment, vous avez une jeune hulotte sur la route, vous vous arrêtez, vous la prenez et vous la sortez de la route, vous l'amenez à 50 ou 100 mètres dans le champ à côté, ou dans la forêt, pour la mettre à l'abri. Ensuite, les parents, le soir, viendront les nourrir sans aucun problème. Il faut les mettre hors de danger, si vous voulez, d'un danger direct et visible. Évidemment, si on le met au sol dans la forêt, ben vous pouvez penser, oh, il va y avoir le renard, il va y avoir un chat, un chien. C'est pas le sujet, ça, c'est normal, on va dire. Oui. Voilà. À part les chats, c'est pas très normal. On va en reparler. Mais du coup, les parents continuent à s'en occuper. C'est pas parce qu'on trouve un jeune tout seul qu'il est abandonné. C'est leur fonctionnement. Ils sont au sol, les jeunes crient toute la nuit pour quémander, avec des cris particuliers, et les adultes les repèrent et leur amènent à manger. Donc c'est fait comme ça. C'est tout à fait normal. Donc il ne faut pas... Juste les mettre à l'abri de la route ou d'un autre danger bien visible. On vous laisse ululer à gorge déployée et savourer une courte pause musicale. Ne bougez pas, on vient tout de suite sur Campus. C'était Gifted, extrait d'un EP intitulé Moods de Straw Elliott. Vous êtes toujours sur Campus FM, 94 FM, dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Thomas Buzy, naturaliste bénévole au sein de l'association Nature en Occitanie, ornithologue, spécialiste et coordinateur national du Hippo-Grand-Duc pour la LPO. Alors, on évoquait avant la pause les rapaces nocturnes de France, chouettes et hiboux, mais vous, votre spécialité, c'est le plus grand d'entre eux, le hibou grand-duc, Bubo. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur lui ? Déjà, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais au niveau de ses mensurations, de son aspect physique, à quoi ça ressemble, un hibou grand-duc ? Un hibou grand-duc, c'est un grand oiseau qui n'est pas facile à voir, parce qu'avec un plumage très mimétique, hein, quand c'est posé sur une falaise, derrière un buisson, avec des taches de soleil et d'ombre, ça peut complètement disparaître à la vue. Ça fait malgré tout Alors pour les femelles, alors pourquoi je dis pour les femelles? Parce que les mâles sont un petit peu plus petits, c'est très classique chez les rapaces. Hein. Les femelles, elles font jusqu'à 70-80 cm de haut posé et en envergure jusqu'à 1,80 m d'envergure. Donc voilà. Elles sont plus grandes que moi. Voilà. Ça a deux yeux, grands yeux orange, rouge-orangé, et des aigrettes sur la tête qui font entre 5 et 7 cm de long. Des serres puissantes, à peu près comme la taille d'une main d'homme, on va dire, pour attraper ses proies. Un bec crochu pour les tuer, les manger, dissimulé un peu dans les plumes. Voilà en gros son portrait. Et ils vivent exclusivement la nuit? Oui, il y a quelques anecdotes sur des hiboux grand-ducs observés de jour quittant leur gîte pour aller boire au bord d'un lac et remonter. Voilà. Après, on les voit de jour quand on sait les trouver, hein, mais ça commence à s'activer à la tombée de la nuit. Ça vit toute la nuit, il y a plusieurs phases d'activité, de repos, de chasse, et jusqu'au lever du soleil où il regagne son gîte pour passer, lui, sa nuit, qui est notre journée à nous. Mais ça veut dire qu'il chasse toute la nuit, parce que j'imagine que c'est assez coûteux de se déplacer, de trouver des proies toute la nuit. Alors, c'est un oiseau qui est... c'est une grande loi de nature, hein, se dépenser le moins possible. Bah oui. Voilà. On les comprend. Donc, c'est un oiseau qui va quitter son gîte, faire peut-être 50 mètres ou 100 mètres ou 200 mètres ou un peu plus, se poser sur un arbre, un poteau, un piquet, et chasser posé. Donc, c'est une chasse à l'affût fixe. Une fois qu'il a mangé et qu'il a nourri ses petits, il y a des phases de repos et puis on peut rechasser. Après, tout dépend de la quantité de proie et de la réserve disponible, mais ils peuvent chasser et faire des réserves aussi, et mettre en réserve pour le lendemain ou le surlendemain en cas de problème. Mais vu que ce sont des très gros animaux, j'imagine que pour nourrir un grand-duc, il faut une quantité de viande quand même assez importante. Bon, c'est une histoire de centaines de grammes, hein. C'est quand même pas... Donc quelques petits rongeurs, ça peut suffire à le substanter? Alors, si on trouve dans ses proies, parce qu'on étudie ses proies quand on vide les aires, l'air c'est le nid hein, de tout grand rapace, où on étudie ses pelotes aussi, son contenu, on peut, avec les os, déterminer ce dont il se nourrit. Si on trouve des petits rongeurs, c'est quand même assez mauvais signe. C'est un oiseau qui a pour proie favorite des proies un peu plus grosses, comme le lapin, comme le hérisson, comme le rat. S'il mange beaucoup de micro-mammifères, c'est signe que quand même le milieu n'est pas tout à fait favorable pour lui, oui. Le hérisson, comment est-ce qu'il faut pour manger sans les piquants? Il se débrouille très bien. On retrouve ce qu'on appelle les chaussons, c'est-à-dire les peaux de hérisson qui contiennent tous les piquants. Voilà, ouais. Et eux les attaquent par le ventre et les mangent. Et ils laissent les piquants dehors. Et voilà. Donc oui, on parlait des pelotes. Donc les hiboux et les chouettes engloutissent en général tout, les os, les poils, et recrachent ce qu'ils ne peuvent pas digérer, c'est ça? Exactement ça. On ingère tout. Et tout ce qu'on peut digérer se met en forme de boulette, voilà, ça s'appelle une pelote, qu'il recrache deux, trois fois dans la nuit et dans la journée. Donc, il mange uniquement de la viande? Uniquement de la viande, mais ça pas peut aller... Pas du tout de fruits, de... Ah non, non du tout. Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, pêcher? C'est possible, oui, ça? Oui, alors dans les régimes alimentaires des grands-ducs qu'on a étudiés en France et dans tous les pays, il y en a qui sont spécialisés sur le poisson. Qui arrivent à pêcher. Alors vraiment des grands-ducs de chez nous, hein, pas des ketupas qui sont des grands-ducs pêcheurs d'Afrique, mais il est capable d'attraper des poissons, il est capable d'attraper des insectes, souvent par jeu et pour s'amuser, parce que c'est pas très très très nourrissant. Moi je connais une femelle en Ariège qui chasse beaucoup les papillons ces derniers temps. En moment de la reproduction, il y avait beaucoup de papillons de la pyrale du buis. Et je la voyais attraper ça, c'était assez, assez phénoménal. Ça fait 2-3 ans que je la vois faire ça. Et sinon, les proies favorites, donc, comme je vous disais, c'est lapin, hérisson, rat et beaucoup d'oiseaux aussi. Tout ce qui est corvidé, corneille, pie, geai, jusqu'à des grands rapaces tels que la buse, tels que le milan. Et ça peut aller sur le renard aussi, voire renard adulte quelquefois, lièvre, donc vraiment des grosses espèces. Et ça veut dire qu'ils ont la force de les soulever, ou ils les mangent à l'endroit où ils les tuent? Alors si c'est trop gros, il va en manger une partie et il va en emporter un morceau pour nourrir éventuellement la femelle en train de couver ou les petits. Mais la plupart du temps, il arrive à les emporter. Alors les oiseaux, ça peut être gros, c'est léger. Une buse, ça va faire 500-600 grammes, ça, il pourra l'emporter sans problème. Et ça pèse lourd, un grand-duc? Alors, ça pèse. Les mâles chez nous, alors je dis chez nous parce qu'on est un peu dans le sud de l'Europe, c'est 1,8 kg, les femelles c'est 2,2 kg, mais il faut savoir que chez beaucoup d'espèces, hein, c'est le cas même pour des mammifères, plus on va vers le nord, les pays nordiques, plus les espèces sont grosses pour des raisons de... on a besoin d'avoir des réserves pour stocker, pour non seulement se dégager de la chaleur ou voilà lorsqu'on a pondu pour réchauffer ses œufs, mais aussi ben voilà en cas de problème avoir un petit peu de réserve. Et donc des femelles grand duc dans les pays scandinaves qui arrivent à jusqu'à 4 kilos. Ah oui. Mmh. C'est quand même déjà énorme. Enfin. Bah pour un oiseau, bah oui, 4 kilos, ça a l'air de rien, léger, mais oui. Voilà, il faut que ça vole. Donc, Parce que moi, j'avais côtoyé un cygne, et je crois qu'un cygne, c'est moins lourd que ça. Du coup, Ah non, les cygnes, c'est plus lourd. 4 kilos, c'est... Ah oui, c'est okay. plus de 10 kilos, un cygne. Ah ouais, c'est comme énorme. Ça ah, alors, le mien, il devait être maigrichon, parce qu'il faisait moins que ça. Mais 4 kilos, je trouve ça impressionnant pour un grand rapace. Hein, parce qu'après, voilà, il faut décoller, il faut bouger toute cette masse pour aller chasser. Oui. Alors, au niveau donc, de son régime alimentaire, donc, voilà, il chasse exclusivement de la viande. Au niveau de son mode de vie, on disait tout à l'heure que la plupart des rapaces nocturnes étaient territoriaux. Est-ce qu'ils ont des grands territoires de chasse? Comment ça, ou ils ont besoin de petites parcelles finalement? Le grand-duc? Ouais, le grand-duc. Ben, comme tout prédateur, la taille du territoire est directement liée à la quantité de proie disponible. C'est-à-dire que vous prenez des lieux comme le Luberon ou le massif de la Clap près de Narbonne où il y a beaucoup de lapins, par exemple. Les sites peuvent être très proches les uns des autres. Il y a même eu des reproductions dans le Luberon à 100 mètres de distance les uns des autres. Si vous prenez l'Ariège-Haute-Garonne, la moyenne de distance entre sites est plutôt de 3 km, on va dire. Voilà. Parce que s'ils sont trop proches, juste, ils vont être en compétition et c'est pas rentable pour eux, ou est-ce qu'il y a un risque de prédation sur les poussins des voisins, ou pas trop? Non, ça non, parce qu'il y a toujours un adulte qui est là pour veiller au grain et défendre, donc c'est pas trop ce problème-là. C'est vraiment un problème de disponibilité de nourriture. Moi, je connais un site où, quand on regarde la femelle couvée, on voit les lapins qui courent au-dessus. Je pense qu'ils vont pas chasser très loin. Ouais. Mais il faut faire attention, c'est que souvent ils gardent justement ce vivier-là de proies proches, près du site. En cas de problème, ils vont chasser un petit peu plus loin. Ils gardent ça en réserve. Les bons coins, ils se les gardent pour les moments de disette. Et, oui. Et au niveau donc, de l'organisation, la plupart des oiseaux ont tendance à former des couples fidèles. C'est le cas chez le grand-duc aussi? Oui et non. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. C'est surtout que vous prenez, je vous amène sur un site grand-duc, on y retourne le lendemain, on voit un oiseau. Comment dire si c'est le même ou pas? Déjà, ils sont tous identiques. Donc c'est très difficile de juger comme ça. Alors il y a des études qui ont été faites de bagages. On a bagué des adultes, ce qui est quand même très dérangeant pour l'oiseau. Donc c'est vraiment à faire de manière limitée avec des protocoles très précis. On s'est aperçu qu'en effet, ils étaient quand même plutôt fidèles entre eux, au couple et à leur site, mais qu'il y a des périodes, notamment en janvier, juste avant la période de reproduction, où les oiseaux peuvent se balader et aller voir si le site du voisin, qui est quand même un petit peu mieux, serait des fois libre et où on pourrait s'installer. Donc il y a quand même des mouvements, des échanges. Et il y a aussi surtout le fait que la mortalité, pour divers facteurs qu'on évoquera peut-être plus tard, est telle que... Alors, un grand-duc en cage, ça peut vivre jusqu'à plus de 60 ans. Dans la nature, 20 ans, à mon avis, c'est déjà une bonne taille. Il faut éviter toutes les... Mais voilà, donc des oiseaux qui disparaissent pour une raison X ou Y, une maladie, une électrocution, fil de fer barbelé, peu importe, va être remplacé. Donc oui, on va dire, il y a fidélité de manière générale, dans grande maille, mais il se passe beaucoup de choses quand même. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que le mâle et la femelle restent ensemble en dehors de la période de reproduction? Oui, alors, ce sont des animaux territoriaux sédentaires, c'est-à-dire que le grand-duc il va être là toute l'année sur son site avec des périodes de chant avant la reproduction qui a lieu début mi-février pour la ponte en général, enfin en moyenne dans notre région. Ensuite l'élevage des jeunes, mais évidemment les oiseaux sont toujours là toute l'année. Dans les 9 espèces que l'on a chez nous, le seul migrateur c'est le hibou petit-duc qui lui va partir en Afrique subsaharienne. D'accord, mais sinon tous les autres passent l'hiver. Tous les autres sont des sédentaires qui restent chez nous, alors qu'ils peuvent avoir certains des mouvements un petit peu sur le territoire, comme le hibou des marais, qui peut quitter les zones un peu nordiques où il fait froid pour venir un peu vers le sud. Plus au chaud. Et du coup, donc, on parlait de milieu juste avant, le grand-duc, on le trouve dans toute la France, en forêt, en plaine, en montagne? Alors, ces bastions, on va dire, historiques et les lieux dans lesquels il vit préférentiellement, ce sont les endroits de falaises rocheuses. Alors, pourquoi falaises? Il cherche la tranquillité. S'il est dérangé toutes les 10 minutes ou toutes les heures ou 3 fois par jour par des gens qui vont passer à pied ou par des voies et véhicules, voilà, ça a une certaine distance de tolérance, comme toute espèce. Donc, ces oiseaux vivent dans des falaises où ils sont à peu près tranquilles. Bon, évidemment, il y a toujours l'escalade, il y a des histoires comme ça, avec lesquelles on travaille aussi. Mais ça peut être donc une falaise de roche. Moi, j'ai découvert que ça pouvait être aussi des falaises de terre. Et il faut savoir que c'est une espèce qui a la capacité de vivre aussi, j'allais dire au sol. Oui, c'est au sol, même dans une falaise, mais dans une zone sans falaise, c'est-à-dire dans des forêts. D'accord. Et les populations de grands-ducs scandinaves sont majoritairement en forêt, au sol, au pied d'une souche, sous un tronc d'arbre qui est tombé. Voilà, c'est un animal qui peut se défendre contre l'approche d'un renard, d'un chien, sa taille, fait le poids, hein, il se laisse pas impressionner. Donc voilà, il lui faut de la tranquillité. C'est essentiellement falaise, mais je connais, on en a trouvé, dans le Tarn aussi, des sites vraiment sur une colline au pied d'un arbre. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels ? Ou très ils peu ? Ils n'ont plus, il faudrait dire. Depuis que ours, loups, lynx ont disparu, je pense que voilà, les lynx et les loups devaient, je pense, en profiter de temps en temps. Ouais. Bon, sachant que, comme toute espèce, en cas de problème et d'attaque d'un prédateur, une femelle va quitter au bout d'un moment le nid pour ne pas se faire manger elle. Les jeunes se feront manger. La nature veut que l'on protège ceux qui sont capables de reproduire l'espèce. Les adultes, ouais. Alors, au niveau de sa population, du coup, en tout cas en France, donc on disait que depuis le début des années 70, les chouettes et les rapaces étaient protégés. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que ces effectifs sont à la hausse ou est-ce que ça n'a pas changé grand-chose ? Alors si, ça a bien changé, ça a bien évolué, dans le bon sens. Dans le sens où les endroits où il était présent, de mémoire très ancienne, il avait disparu puisqu'on l'avait éradiqué quasiment. Et à partir des quelques bastions et lieux très reculés, en montagne ou dans des vallons où personne ne va, les populations se sont petit à petit reconstruites. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des gros programmes de réintroduction, notamment d'accord. en Allemagne, dans les années 70, 80, 90. Et à partir des milliers de grands-ducs d'animaux captifs, ouais, ils se reproduisent très bien en captivité. Okay. Et donc les jeunes étaient, on leur apprenait à chasser, puis ils étaient relâchés. Et donc la population s'est bien reconstituée. Alors dans le sud de la France, elle avait baissé, elle est bien revenue. Ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant plus de 10 ans, la population dans le nord de la France, c'est-à-dire même Nord-Pas-de-Calais, alors vous allez me dire des falaises là-haut, c'est un animal qui vit beaucoup dans les carrières aussi, ouais, de grandes d'accord. carrières. Voilà. Et donc la population là-bas est en pleine expansion, là elle est revenue à un très très bon niveau. Okay. Et globalement, si vous tirez un trait de Biarritz et que vous tirez jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, tout ce qui est à l'ouest de ce trait et en dessous, il y a du Grand-Duc, et tout ce qui est côté Bretagne, on va dire, il n'y est pas. D'accord. On le surveille. Okay. Parce qu'il est sûrement en train d'avancer doucement vers l'Atlantique. Ouais. Et qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'une population va chuter ou augmenter ? Est-ce que c'est juste la disponibilité des proies ? On disait qu'il n'a plus de prédateurs. Qu'est-ce qui va pouvoir influencer sur sa population aujourd'hui ? Prenons le cas de l'Ariège et la Haute-Garonne, que je connais bien, puisque ça fait plus de 20 ans que je tourne dans cette zone et que je fais mon suivi, qui est une veille voilà, sur la population, une 60aine de sites. On s'aperçoit qu'il y a en fait beaucoup de paramètres qui peuvent l'embêter. Par exemple, l'escalade, il y a beaucoup de sites d'escalade donc qui lui amputent tout ou partie par endroit des zones où il pourrait s'installer et se reproduire. Il y a des dérangements dus à la chasse, il y a des fils de fer barbelés par milliers de kilomètres en Ariège pour mettre des animaux. On a beau y voir très bien la nuit, une ça nuit sans lune avec du vent et de la pluie, on chasse, on est posé, on décolle, on rase le sol pour aller attraper une proie et il y a des fils de fer barbelés, donc on se retrouve pris dans ces fils de fer barbelés. Il y a l'électrocution, les électrocutions sur les lignes moyenne tension, qui est un gros problème. Il y a aussi les percussions avec les lignes électriques, les câbles en vol. Il y a aussi les percussions sur les routes, sur les voies ferrées. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui font que, surtout, les jeunes qui ne connaissent pas leur milieu et qui s'émancipent, enfin c'est plutôt les adultes qui les émancipent, qui les mettent hors du site entre le mois d'août et le mois d'octobre, vont se retrouver à braver tout un tas de dangers qu'ils ne connaissent pas. Et il y a énormément de pertes. J'estime que sur 10 jeunes qui vont partir à l'envol, s'il y en a un ou deux qui arrivent un jour à créer un nouveau couple et à se reproduire, c'est déjà bien tout. Et donc si vous n'avez plus beaucoup de jeunes disponibles pour remplacer des adultes qui meurent, petit à petit la population peut baisser. Diminue, oui. Voilà. Et c'est notamment ce que je vis sur l'Ariège depuis plus de 10 ans, où j'ai des zones où les trois quarts des sites des oiseaux ont disparu. Et ça, donc, principalement à cause de l'homme, finalement. principalement à cause de l'homme et je pense surtout à cause du manque de disponibilité de nourriture. Alors il faudrait faire une étude précise sur les proies depuis très longtemps et voir maintenant ce qui a pu changer. Mais ce qui est clair, c'est que les lapins ont disparu, les hérissons sont en chute libre. Et donc bon, y a des sites qui paraissent absolument faits pour le Grand-Duc, merveilleux, qui ne sont plus habités depuis 10 ans et je ne les vois pas être de nouveau habités du fait de la faible concentration de jeunes erratiques qui pourraient éventuellement recréer des sites. Oui, du coup, si en plus ils ne trouvent pas sur place, c'est vrai que ça complique beaucoup les choses. Alors vous en parliez juste avant, vous parliez des suivis. En tant que coordinateur national, vous collectez donc des données récoltées par vous, mais par d'autres naturalistes, observateurs bénévoles. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment ça se passe, les suivis ? Comment ça se passe sur le terrain, en vrai ? Alors, pour revenir sur ce que vous venez de dire, je ne récolte pas, moi, directement les données. Je les vois passer. C'est la LPO, mission Rapace, qui s'occupe de ça, de synthétiser toutes les données de tous les gens qui s'occupent du Grand-Duc. Au niveau national ? Au niveau national, okay. Oui. On a aussi plein d'échanges avec l'international. Et depuis maintenant, je crois, 14 ans, il y a des rencontres Grand-Duc, comme il y a des rencontres JPAET ou ELLE, c'est-à-dire que tous les 2-3 ans, on se retrouve tous les gens intéressés par le Grand-Duc. On est une quarantaine, une cinquantaine. On tourne à travers la France hein, pour se rapprocher des uns et des autres. Et donc là, on va exposer l'état de la population et le suivi que l'on fait, les différentes études, les problèmes rencontrés, les solutions trouvées. C'est un lieu d'échange, voilà. Et ce qui nous permet de faire une synthèse globale de la population de Grand-Duc sur la France. Après, en termes de suivi, précisément, ce que je fais moi, ce que font tous les grands-ducs qui, tous les gens qui étudient le grand-duc, c'est de faire un suivi tout au long de l'année, puisqu'évidemment c'est un oiseau qui est sédentaire et qui est présent tout au long de l'année, mais globalement on commence à faire des écoutes, c'est-à-dire on va à la tombée de la nuit sur un site pour essayer de prouver la présence du couple, c'est-à-dire qu'on y repasse chaque année. Ouais. C'est jamais acquis. Hein. Chaque année, au mois de septembre, on se dit « je n'ai plus aucun grand-duc nulle part, tout est vide dans mes tableaux, je repars à zéro. » Et je vais repasser sur tous mes sites pour essayer de voir si ben, y a le mâle, très bien, mais il n'y a pas la femelle, donc j'y retourne jusqu'à ce que j'ai la femelle. Ou alors dire au bout de 4-5 écoutes ben, « a priori, le mâle est seul, la femelle a disparu. » Donc on essaie de repasser sur tous ces sites-là pour essayer de voir si les oiseaux sont présents ou pas, les couples présents ou pas. Ensuite, on y repasse pour essayer de voir si elles couvent, ce qui est vraiment pas facile, hein, parce que un jour je vous amènerai si vous voulez. Bah, autant voilà. Dire. Ensuite, éventuellement, compter le nombre de jeunes qui sont nés, le nombre de jeunes à l'envol, donc ça fait déjà au moins 4 passages sur chaque site. Sur 60 sites, vous voyez un petit peu le travail ça fait. Donc j'ai des gens qui m'aident un petit peu aussi, hein, qui font des suivis par-ci par-là. Mais voilà, donc on essaie d'en savoir le maximum sur une zone donnée pour essayer de, justement de veiller à cette population et de voir quel est son état. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça augmente? Et puis du coup, tous les sites, vous le disiez, ne sont pas forcément faciles d'accès. On parlait de falaises, on parlait d'endroits assez reculés. Voilà, alors il faut savoir aussi que toutes les observations se font à distance. Ouais. Le but, c'est de pas les déranger, de protéger. Hein, tout ce que je fais et tout ce que font ces gens qui suivent le Grand-Duc et d'autres espèces, c'est la protection. Donc il n'est pas question d'aller déranger pour les besoins de se dire est-ce qu'il y avait 2 poussins ou 3 et soulever la femelle pour voir oui. Si, voilà. Donc on observe en général à plus de 200, 300, 400, 500 mètres à la lunette. L'écoute, c'est un champ qui porte très loin, jusqu'à 2 km dans de bonnes conditions. Ah oui. Donc ça, c'est un très bon indicateur qui permet de prouver la présence des oiseaux sans aller les déranger. Et voilà. Juste avec le champ, on peut identifier si c'est le mâle ou la femelle ? Oui, alors le champ que vous avez entendu tout à l'heure, c'était le mâle. Mm-hmm. La femelle, c'est le même champ, l'octave au-dessus. D'accord. Pour les musiciens, donc plus aigu, on va dire. Donc on peut identifier l'individu avec précision juste avec le son. Oui, mâle, femelle et les jeunes aussi qui ont un cri très particulier lorsqu'ils quémandent toute la nuit et qu'ils demandent à manger aux adultes. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous parler du hibou grand-duc et de ses cousins et cousines nocturnes. Alors si vous voulez découvrir un peu la nature et vous émerveiller des animaux que l'on peut croiser tout près grâce au conseil avisé de Thomas, n'hésitez pas à le contacter pour planifier des sorties nature. Vous retrouverez toutes les informations sur son site sortienature.jimdo.com. On finit, comme d'habitude, avec quelques conseils lecture. Pour finir cette émission, je vous propose 2 conseils lecture et une série documentaire. Commençons par un premier ouvrage, Le bestiaire des sorcières de Denise Kroll-Terzaghi, paru aux éditions Rustica. Ce beau et grand livre de 175 pages, aux tranches des pages dorées, présente différents animaux associés aux sorcières. 25 animaux, du serpent au cerf, en passant par la belette, le dragon, le cheval et l'araignée, sont étudiés en quelques pages avec une très riche iconographie, gravures, peintures et images anciennes. Sur la première page figure une présentation de l'animal avec quelques informations sur son comportement, et les pages suivantes sont un patchwork d'anecdotes diverses. Y sont évoquées la pharmacopée, qui utilisait ces animaux comme ingrédients, avec des recettes parfois franchement cocasses, tant dans leur mode de préparation que dans les résultats escomptés, ainsi que des mythes et légendes de différents pays. Vous apprendrez ainsi que les mages assuraient que si l'on déposait le cœur et la patte droite d'un hibou sur le sein gauche d'une femme endormie, mieux qu'un sérum de vérité, elle répondait sans détour à toutes les questions qu'on lui posait. Rien que ça. Le livre, très richement illustré et savamment sourcé, se picore et permet d'apprendre plein de petites choses sur des animaux qui méritent que l'on s'intéresse à eux autrement qu'en décoction. Ce livre, paru en 2015, a inspiré une série documentaire qui vient tout juste de sortir et d'être diffusée sur la chaîne Arte. Il s'agit de la série « Des bêtes et des sorcières » réalisée par Dominique Hennequin. La série comprend 4 épisodes de 42 minutes qui mettent chacun à l'honneur un milieu et 3 animaux mal aimés. Le premier, dédié à la forêt, présente le cerf, le blaireau et le pic noir. Le second, à la ferme, met en scène la chouette effraie, le chat et la pie. Le troisième, dans la prairie, présente le renard, le lièvre et le papillon sphinx tête de mort. Et le dernier, à l'étang, parle de crapauds, couleuvres et chauves-souris. Outre les superbes images d'animaux tournées au plus près de la faune sauvage, ces 4 épisodes permettent de voir des scénettes animées à partir d'illustrations de John Ho en personne. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, John Ho est un illustrateur de fantasy canadien. Il a travaillé en tant que directeur artistique sur une série de films plutôt confidentiels, Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit de Peter Jackson. Cette série documentaire, qui sort de l'ordinaire, mêle belles images filmées et animées, musique originale et réhabilitation d'animaux mal aimés. Je dis oui. Pour finir, et en guise de clin d'œil au sujet d'aujourd'hui, je ne peux que vous recommander le magazine La Hulotte. Le magazine le plus lu dans les terriers, créé en 1972 par Pierre Déhomme, reste une merveille inégalée en matière de vulgarisation des sciences. Uniquement disponible sur abonnement et pourtant diffusé à 160 000 exemplaires, il a su séduire un lectorat nombreux et exigeant. Chaque numéro est dédié à un animal, héros ordinaire à la vie fascinante et est entièrement accompagné d'illustrations traditionnelles à l'encre. L'ensemble est didactique, ludique, car accompagné de remarques bien senties et de mascottes rigolotes, et est tout simplement passionnant. Le magazine compte 109 numéros et je ne peux que vous conseiller le numéro 105, qui part à la rencontre de la chouette chevêche, le numéro 12, dédié à la chouette effraie, le numéro 17 au hibou moyen-duc et le numéro 25 à la chouette hulotte. Un incontournable à lire, relire et à garder précieusement comme un trésor. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepi.com. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.